De l'industrialisme au Moyen-Âge par Philarète Châle. Il est une époque de l'histoire que la plupart des écrivains ont vue avec horreur et traitée avec injustice, c'est le Moyen-Âge. Là, s'il faut les en croire, sont venus s'engloutir les arts, les lettres, les sciences, les vertus, tout ce que l'ancien monde avait de puissance et de grandeur. Siècles maudits, sur lesquels pèse l'anathème. Espèce de gouffre obscur, jeté par la Providence entre la civilisation antique et la civilisation moderne. Sur les deux rives opposées, il vous montre, d'une part, les républiques grecques et romaines, brillantes de gloire, de l'autre, l'organisation de la société européenne qui surgit tout à coup, sans préparation, sans enfance et sans jeunesse. Le contraste est frappant, l'effet est pittoresque, à ce tableau bizarre, il ne manque que la vérité. Il est faux que la domination romaine ait été aussi brillante et le Moyen-Âge aussi déplorable qu'on l'a prétendu. Quand César et Pompée se disputèrent l'Empire, déjà Rome avait cessé d'exister par ses vertus. Sa force morale était détruite. Suivez le cours des annales romaines depuis le règne d'Auguste, vous voyez tout se pervertir avec une rapidité effroyable. Les institutions antiques, détournées de leur véritable but, ne sont plus que des instruments de meurtre, de débauche et de rapine. Le peuple est sans droit et sans espérance. L'industrie s'éteint. Quelques grands propriétaires s'emparent de tout. On voit un sénateur posséder des provinces entières et les spolier à son profit. L'Afrique, avec ses 300 évêchés, devient le patrimoine de 5 familles. Aux extorsions du fisc, au luxe effréné de la cour, au dogme d'une obéissance passive, joignez la misère des prolétaires, les paysans affamés, les citoyens sans patrie, les propriétés sans garantie, le trône à l'encan, la défense de l'État confiée à des mercenaires qui convoitent le diadème et l'achètent ou le volent, l'empire sans armes contre les invasions, les grands sans asile contre la haine du peuple. Dans une telle situation, il fallait que Rome périt. C'était une proie offerte et déjà corrompue. Les nations barbares, averties par cet instinct qui ne trompe ni les peuples ni les bêtes de proie, fondirent sur elle. Ici, les accusations répétées par tous les historiens sont des calomnies. Vandales et Huns ne détruisirent point les chefs-d'œuvre des arts, n'étouffèrent pas le génie. Bien longtemps avant leur incursion, la force de l'intelligence et de l'âme avait disparu du sein de Rome avilie. Esclaves, rhéteurs, scoliastes, sophistes avaient succédé à la noble race des Kérites. Les mœurs étaient suspendues entre la superstition et la débauche. Depuis l'époque des Antonins, l'esprit humain, se rapetissant toujours, en était venu au puéril jeu de la décrépitude. Lisez Claudien. C'est le seul poète remarquable de ces temps sans énergie. Vide et creux, il retentit comme la cloche dans les airs et ne dit rien à la pensée. Jetez les yeux sur les mauvaises sculptures des dernières années de l'Empire. Quel goût, quelle absence de tout génie. Les barbares n'enchaînèrent pas Rome, ils ne conquirent que son cadavre. Ce fut pour le régénérer. Allons plus loin. Cette décadence était indispensable. Les antiques sociétés avaient fait leur temps. Basées sur le privilège, c'est-à-dire sur l'injustice, elle devait finir comme tout ce qui est inique. L'esclavage, véritable fondement de la grandeur antique, devait se trouver aboli par l'excès même d'un si déplorable abus. Quand on vendait les hommes 3 drachmes la pièce, ainsi que Plutarque le rapporte, il était impossible que cet état de choses durât longtemps. Rome, à l'apogée de sa puissance, n'avait été qu'un phénomène peu regrettable. Habitants d'un camp, sous forme de ville, ces guerriers qui composaient un grand bataillon destiné à l'asservissement du monde, n'avaient inventé qu'une aristocratie de soldats. Rome républicaine a peu de droit à la reconnaissance des hommes, et cette Rome impériale, dont les vices seuls sont gigantesques, n'est-elle pas l'effroi de l'histoire? Ces Messalines couronnées. Que l'on admire les vertus de Rome, mais que l'on sache juger ses crimes. Les tyrans du globe vivaient par le travail des esclaves. La richesse du Capitole était alimentée par l'univers appauvri. en dépit de ces chefs-d'œuvre d'imagination et de goût que Rome et la Grèce nous ont légués, la civilisation était peu avancée encore. On avait trop de mépris pour les arts utiles. La science se composait d'erreurs poétiques et la morale d'exagérations sublimes. L'égalité des devoirs et des droits entre les membres de la famille humaine était ignorée. Au milieu des jouissances du luxe et des recherches de la volupté, le bien-être manquait à la vie. Quand la civilisation ancienne eut porté ses fruits et que, fatiguée par ses efforts et ses fautes, elle tomba de lassitude, les barbares vinrent briser le moule de ces institutions vieillies. Le monde changea de face. C'est cette période de convulsion et de régénération qui, sous le nom de Moyen-Âge, a été en butte à des accusations si légères. Orage fertile, tempête nécessaire, qui bouleversa tous les éléments sociaux pour les classer et les animer d'une vie nouvelle. Vous diriez la fournaise ardente où tout se trouve en fusion. C'est là que se prépare la société moderne. On crée, on essaie, on invente. Les futiles occupations des rhéteurs sont étouffées par l'urgence d'une telle époque. Toutes les découvertes auxquelles nous devons notre supériorité incontestable datent de ces 10 siècles, taxés de barbarie et d'ignorance. Une vigueur extraordinaire s'empare de tous les membres du corps social, naguère paralysé. Un nouveau sang circule dans les veines du vieil Aison. À la voluptueuse lâcheté des habitants de l'Empire succède la farouche humeur des conquérants. Instruments aveugles d'une rénovation nécessaire, ils portent le fer et le feu dans ces plaies profondes que la corruption a gangrénées. Ils arrêtent ainsi la lente dissolution qui dévorait l'espèce humaine. Alors, toutes les relations sociales changent. Les propriétés sont morcelées. La vassalité, espèce de servitude adoucie, prépare l'abolition de l'esclavage. Malgré l'oppression inhérente à la conquête, le nouveau mode de justice et d'organisation sociale développe avec plus d'énergie les facultés humaines. L'esprit d'association, spécialement propre aux Germains, se répand dans le peuple vaincu. Dans les villes, abandonnées par les grands propriétaires, se forment les corporations. Une classe d'hommes, livrée à des travaux industriels, acquiert et mérite son indépendance. La bourgeoisie naît. Elle oppose une barrière puissante aux usurpations de la propriété territoriale. Alderman de Londres, magistrat des républiques italiennes, se range parmi les puissants de la terre. Quelques-uns déploient des vertus héroïques. Vous reconnaissez déjà tous les germes de la liberté, de l'industrie moderne. Hardiesse, vigueur, témérité sont les caractères de l'époque. Que de personnages extraordinaires, que d'actions sublimes. Les rois sont dignes du trône. Les hommes d'État ne se contentent pas d'intrigues obscures. Ce sont des guerriers et des savants. Charlemagne, Philippe Auguste et Saint-Louis, les monarques saxons, Alfred et Canut, Richard Cœur de Lion et le prince noir, Gerbert et Hildebrand, quels noms, quels hommes! Les calamités de cette époque orageuse furent fertiles en bienfaits que l'avenir a recueillis. L'Orient, avec lequel l'Europe eut des relations fréquentes, nous enrichit d'une foule de découvertes que nous avons perfectionnées. Le génie de l'homme, se dévouant à la recherche des moyens d'avancer l'industrie, produisit toutes les inventions qui ont changé le monde. Le nombre de ces inventions est surprenant. Leur berceau n'est pas moins merveilleux. Tantôt elles traversent les mers et des rives du Gange arrivent jusqu'à nous. Tantôt elles éclosent dans les murs de quelque obscur monastère. On profite d'elles en oubliant leur origine et tandis que le nom du plus mauvais poète se perpétue grâce aux commentateurs et aux savants, le nom de l'utile inventeur du papier reste plongé dans une obscurité profonde. Dès les premières années du Moyen-Âge, on voit s'élever des hôpitaux, des asiles pour les enfants trouvés et les vieillards, des maisons de retraite pour les pauvres, établissements qui, sous l'influence du christianisme, devinrent bientôt communs à tous les peuples civilisés. Quelques coutumes des barbares, adoptées par les vaincus, ajoutent au luxe et aux jouissances de la vie. Tel est l'usage des pelleteries et des fourrures, que les Romains ignoraient. Les anciens montaient à cheval sans étrier et sans selle. Cet usage date du 5e siècle. On avait employé jusqu'au 8e siècle que le parchemin, le papyrus et les tablettes enduites de cire pour y inscrire ses pensées. Un nommé Amaru de la Mecque imagine, vers l'année 706 de notre ère, de piler le carton pour en faire du papier. Le papier de chiffon est inventé vers 1250. L'érudit Mouffoncon a vainement essayé de remonter à la véritable origine de cette invention si précieuse. Pendant le cours du Xe siècle, au sein de la barbarie la plus profonde, des moines oisifs inventent les horloges. Auparavant, on se servait de clepsydre, de sablier et de gnomon. Vers le XIe siècle, les bénédictins élèvent les premiers moulins à vent dans leur domaine. Un bourgeois de Milbourg invente les lunettes et fournit à Copernic et à Newton les instruments de leur conquête. L'invention de la boussole, ou plutôt la découverte de la polarité de l'aimant, se perd dans les ténèbres du XIe siècle. Les Arabes, 100 ans plus tard, nous donnent l'alun, le célammoniaque et l'eau-forte, substances dont l'emploi a créé tant de nouvelles industries. Les Juifs établissent en Orient de vastes fabriques de teintures. L'industrie enrichit Venise, les villes libres des Pays-Bas, et prépare la grandeur de Florence. Linné prétend que la plupart des végétaux qui servent à notre nourriture ont été apportés par les Goths en Europe et cultivés par les moines. Il cite le houblon, les épinards, l'artichaut parmi ses nouveaux aliments. Les signaux employés dans la tactique navale datent de l'Empire grec. L'éclairage et le pavage des rues remontent à la même origine. Les premières cheminées furent construites à Venise ou, selon Villani, à Florence au XIIIe siècle. La poudre à canon, dont les Indiens connaissaient le secret, fut communiquée aux Arabes par ces derniers et aux Européens par les Arabes vers le commencement du XIVe siècle. L'imprimerie et la gravure, qui ont une commune origine et dont la découverte fut préparée de longue main par l'habitude de graver sur bois des légendes et des images, appartiennent à la même époque. L'invention de la peinture à l'huile, faussement attribuée à Van Eyck, remonte un siècle plus loin. Un tableau de Jean de Mutina, peint à l'huile sur bois, porte la date de 1280. L'art de fabriquer des miroirs de verre, en interceptant les rayons solaires au moyen d'une couche de vif argent, n'était point connu avant le XIVe siècle. À la même époque, on commença à soumettre le commerce à un code spécial. Les lettres de change furent inventées. Barcelone eut son code maritime, qui servit de modèle à toutes les lois commerciales portées dans la suite sur le même sujet. Le tricot et la dentelle furent inventés en Italie. Si nous voulions descendre jusqu'au plus vulgaire détail, nous ne craindrions pas de citer plusieurs usages domestiques, regardés aujourd'hui comme indispensables et qui furent mis en vogue par les Italiens du Moyen Âge. Tel est l'usage des fourchettes et celui du tournebroche. Je ne parle pas des résultats si nombreux de la grande découverte de Colomb. La cochenille, la canne à sucre, une multitude de substances utiles et nouvelles sont dues à la même cause qui se rapporte elle-même à l'invention de la boussole. Que l'on me cite un espace de 10 siècles qui ait produit des résultats plus positifs et contribué d'une manière plus évidente à l'amélioration et au bien-être des hommes. Si l'on dédaigne de fixer son attention sur cette foule de découvertes dont je n'ai pu donner qu'une liste incomplète, du moins voudra-t-on reconnaître l'influence de 3 inventions que j'ai signalées. La polarité de l'aimant, obscurément connue dès le XIe siècle, a soumis à la puissance de l'homme l'élément le plus rebelle, ouvert un nouveau monde à notre industrie, multiplié nos jouissances et agrandi la sphère de nos idées. L'invention de la poudre à canon a changé en géométrie savante la lutte brutale des forces physiques, garanti à jamais les peuples civilisés de l'invasion des barbares et rendu impossible à l'avenir l'établissement de la féodalité. L'imprimerie, en multipliant les témoignages des connaissances humaines, a préparé la liberté d'examen. Tribune élevée au milieu de l'Europe, elle a convoqué toutes les nations à ses leçons, à ses jugements et à ses fêtes. La pensée de l'homme s'est empreinte d'immortalité. L'ignorance a jamais banni. Le passé, le présent et l'avenir unis par une chaîne électrique. les documents de la science conservés dans leur intégrité. Ces bienfaits immenses émanent d'une découverte simple en elle-même, lentement élaborée pendant le Moyen-Âge et née des pratiques de la superstition la plus crédule. Telles sont les bases sur lesquelles s'est élevée la grandeur des sociétés modernes. C'est au fond du Moyen-Âge qu'il faut les chercher. Si nous avons dépassé les peuples anciens, ce n'est qu'en suivant le sillon tracé par nos pères. Leur scolastique a frayé la route à nos sciences morales, leur astrologie à notre astronomie, leur alchimie à notre chimie. Que serions-nous si le nouveau monde n'était pas découvert, si l'imprimerie n'était pas inventée, si l'esclavage n'était pas aboli, si la guerre se faisait encore à coups de fronde et de flèches, si les instruments d'optique avaient manqué aux astronomes? Ne flétrissons pas la mémoire des hommes qui ont préparé nos jouissances, notre gloire et notre orgueil. Ils manquaient de goût, sans doute, et jetés dans une époque sanglante et confuse, ils n'ont pas égalé, dans les arts d'imagination, les peuples heureux qui les précédèrent. Cependant, sous ce rapport, ils ont leur titre à faire valoir. Qui s'est promené sous les voûtes de la cathédrale de Cologne, sous les arceaux de Westminster à Londres, sans rester pénétré d'admiration pour le génie qui disposa ses masses et tailla ses forêts de pierre? Jamais l'architecture ne sut frapper les hommes d'un sentiment plus profond de terreur sacrée. C'est l'élégance dans l'originalité, c'est le sublime dans tout ce qu'il a de plus grandiose et de mystérieux. Le monde réel, la vie positive, s'efface sous ses longs pilastres, sous ses voûtes immenses. Vous avez quitté la terre, un monde religieux vous environne. 10 siècles, féconds en intelligence haute, en âme fière et ardente, devaient avoir leur poésie. Sans parler des bardes et des scaldes, qui appartiennent à l'époque antérieure, tout le génie poétique du Moyen-Âge s'est concentré dans le poème du Dante. Je ne cite ni les troubadours, ni les Minnesinger dont la renommée peut être contestée. Égarés par une malheureuse imitation des sophistes grecs, les scolastiques épuisèrent dans des investigations sans limite l'incroyable subtilité de leur esprit. Alcuin, Bède, Thomas d'Aquin, Scott, une foule d'autres ont eu peu de rivaux, en fait de sagacité dialectique, de pénétration, de profondeur métaphysique. Citons seulement l'admirable Roger Bacon, qui devina du fond de sa cellule les grands problèmes de la mécanique, annonça la possibilité de traverser les airs au moyen d'un gaz plus léger que l'atmosphère, et prévit quelques-unes des merveilles que l'emploi de la vapeur devait opérer 6 siècles plus tard. Si les études étaient alors mal dirigées, si la science était confuse et étroite, on suppléa ce défaut par l'étude des hommes. Les relations entre les différents peuples étaient fréquentes et favorisaient la communication des lumières. Tout le monde voyageait, chevaliers, marchands, artisans, femmes même, pèlerins et pèlerines allaient sans cesse d'une ville à l'autre et couraient les châteaux. L'échange des idées, des mœurs et des doctrines était universel. Ainsi s'accomplissait l'éducation européenne, et quand les croisades eurent ajouté à ce grand mouvement une foule de richesses nouvelles, de documents et de connaissances empruntées à l'Asie, quand la découverte du Nouveau Monde eut grossi ce trésor, quand toutes les sectes opposées eurent remué jusque dans leur dernière profondeur les questions métaphysiques, quand la formation des milices et l'usage des armes à feu eurent détruit l'organisation féodale, tout fut préparé, la nouvelle Europe naquit. Qui voudra juger le Moyen-Âge sous un rapport purement littéraire trouvera plus d'un motif de le rabaisser. Grégoire de Tours opposé à Tite-Live, l'auteur de la Philippéide comparé à Virgile, offriront à l'écrivain superficiel des ressources d'épigrammes faciles et injustes. Il ne faut pas non plus apprécier le Moyen-Âge d'après les maux que le genre humain a éprouvés pendant ces 10 siècles. Une fièvre ardente le consumait, c'était le chaos sur lequel l'Esprit de Dieu planait. Jugez-le par ses résultats. Comptez ses découvertes qui ont agrandi le cercle de nos connaissances. Mesurez ses matériaux entassés par lui, pour le bénéfice des nations futures. La liberté politique à laquelle nous attachons tant d'importance émane du Wittgenstein, de l'esprit d'association germanique, des droits de la bourgeoisie, de la grande charte arrachée au roi Jean. Notre industrie doit tout aux inventions que j'ai indiquées plus haut. Les facultés humaines se sont réveillées depuis que la classe moyenne a pris son rang entre les seigneurs et les serfs. L'esclavage aboli a conduit pas à pas le genre humain vers cette grande doctrine de l'égalité entre les hommes. Longtemps esclaves, les femmes ont pris part au mouvement de la société et jeté dans le monde moral ces germes de délicatesse, d'honneur, de grâce et de bon goût qui ont donné au peuple moderne un caractère et des nuances si remarquables par leur romanesque nouveauté. Tel fut ce Moyen-Âge, avant-scène bizarre du drame compliqué de la société moderne, époque où devait se confondre le paganisme mourant et le christianisme à sa naissance, où les derniers soupirs des sociétés anciennes devaient se mêler aux premiers efforts et aux mouvements confus d'une nouvelle organisation. Dans l'histoire des progrès de l'espèce humaine, point d'époque plus intéressante. Elle est grande par elle-même, sublime par ses résultats. Nous l'avons montré, non sous le rapport poétique, mais sous un point de vue positif. Nous avons prouvé que les vieilles institutions étaient anéanties, que leur régénération ne pouvait avoir lieu que par une secousse violente. Nous avons indiqué les bienfaits qui, du sein de cette convulsion terrible, se sont répandus sur l'avenir. Nous avons indiqué ces 10 siècles de barbarie comme le berceau de nos institutions, de nos industries et de nos lois. Pourquoi cette justice n'a-t-elle pas été rendue au temps dont je viens de m'occuper? C'est qu'on écrit l'histoire pour amuser les hommes et qu'elle amuse toujours, dit Cicéron, de quelque manière qu'on l'écrive. Aussi, les annales de l'humanité ne sont-elles guère qu'un roman accrédité. Parcourez les 600 premières années de Rome républicaine, tout y est prodige. En vain les érudits ont-ils dévoilé leur veille à l'éclaircissement du texte. Admettant les témoignages sans les peser et les traditions sans les juger, ils ont traité l'histoire comme la mythologie. Amadis de Gaulle est aussi véridique que le premier volume de Tite-Live. Jusqu'à ces dernières années, où l'allemand Niebuhr est venu déchirer ce grand voile de fiction, à peine quelques bons esprits avaient-ils soupçonné le mensonge. L'histoire tout entière n'est-elle donc qu'une vaste légende? Ainsi s'achève, de l'industrialisme au Moyen-Âge, de Philarète Châle.